Chapitre 3. Madame Berthe Évène avait la réputation de recevoir avec beaucoup d'agrément, que ce fût à Paris ou dans sa vieille maison des Grands Sapins, qualifiée généralement de château. Elle ne supportait ce séjour annuel à la campagne qu'à la condition d'y avoir constamment quelques hôtes. Sans être très mondaine, elle aimait la distraction, un entourage amusant, les compliments qu'on lui adressait sur son hospitalité. Nature assez futile, au fond, n'attachant qu'un intérêt superficiel aux sujets sérieux, adoptant facilement les idées toutes faites. Sa fille, peu douée au point de vue de la personnalité, subissait assez volontiers son influence à la secrète contrariété de Raymond. Le grain de snobisme parfois découvert chez Paul, le plaisir qu'elle prenait à se voir entourée, complimentée, sa tendance à se contenter des apparences, comme aussi à prendre les opinions d'autrui, sans chercher à s'en faire une, tout cela, et aussi un certain entêtement qu'il rencontrait parfois chez elle, il l'attribuait au contact journalier avec sa mère. Entre celle-ci et lui, il n'existait pas une très chaude sympathie. Elle reconnaissait pourtant ses rares qualités morales, mais blâmait ce qu'elle appelait son intransigeance, étant assez disposée à fermer les yeux sur des compromissions de conscience que Raymond réprouvait énergiquement. Aussi, pendant les 8 jours que demeura Ferdinand Daubray, traita-t-elle celui-ci en hôte de choix, peut-être avec le secret désir de donner une leçon à son neveu et futur gendre, qui se permettait de mal juger cet homme agréable, causeur intéressant, en outre auréolé à ses yeux par ses succès oratoires, qui le distinguaient d'entre le commun des mortels. Raymond eut un soupir de soulagement quand, un matin, le frère d'Ariane quitta les Grands Sapins. Le président et sa fille y demeuraient encore pour une 15aine de jours. Il y avait en outre quelques autres invités, relations parisiennes des dames Évène. De ce fait, Paul se trouvant plus occupé, Raymond la voyait assez rarement seule à seule. Cependant, les années précédentes, elle s'arrangeait pour sortir presque chaque matin avec lui. Il s'en allait à travers la campagne, sortie toute fraîche de la nuit, il visitait quelques pauvres demeures où la grâce de Paul et la cordiale bonté de Raymond apportaient un peu de réconfort, supplément à l'aide pécuniaire. Mais cette année, Paul trouvait assez rarement le temps nécessaire à cette promenade. « Nous nous couchons tard et j'ai tant à faire le matin, » disait-elle. Il n'insistait pas, mais il lui restait l'impression qu'elle n'était plus empressée de se retrouver seule avec lui comme auparavant. Pourtant, elle était toujours affectueuse et tendre. Elle l'aimait, il le savait bien, cette douce et belle Paul. Il ne fallait donc pas qu'il fût trop exigeant, qu'il la gênât dans ses occupations de maîtresse de maison. Dès la rentrée à Paris, il demanderait à la tante Berthe d'annoncer officiellement leur fiançailles, ce qu'elle s'était refusée à faire jusqu'alors, l'époque du mariage ne pouvant être encore fixée. Un matin, comme il achevait de s'habiller, Paul lui fit dire qu'elle avait une course à faire au village et qu'elle l'attendait pour l'accompagner. Il la rejoignit dans le jardin et tous deux s'en allèrent dans la fraîche lumière du matin vers la vallée d'où s'élevait le son grêle d'une cloche. « Nous arriverons à temps pour la messe, » dit Paul. « J'irai après chez la Michelotte pour voir si elle a encore de ses pêches qu'aime le président. » Il prétend que son estomac ne digère que celle-là. Il me fait l'effet d'un maniaque et sa fille ne doit pas avoir toutes ses aises avec lui. Je le crois, mais jamais elle ne se plaint à ce sujet. Elle est très courageuse, Ariane, et garde pour elle ce qui la fait souffrir. Mais je ne la crois pas du tout insensible, comme elle le prétend parfois. Oh non, elle ne l'est certainement pas. Je suppose plutôt qu'elle cherche à le paraître pour qu'on ne la plaigne pas, peut-être aussi par la bravade d'un cœur jeune devant les rigueurs de la vie. C'est une nature intéressante, d'une valeur morale réelle, tout à fait différente de son père et de son frère. Combien il est dommage qu'elle ait été élevée dans cette incroyance qui semble lui peser d'ailleurs. Peut-être, si sa mère eût vécu, je ne pense pas que rien n'eût été changé. Madame Daubray n'osait oser aller contre la volonté de son mari. Je me demande d'où Ariane tient la sienne, car le président, lui, n'a que de l'entêtement, et celui-ci ne résiste pas devant son fils, qui obtient de lui ce qu'il veut. » Tout en causant, les deux cousins avaient atteint le village, dont les maisons au jardin fleuri se groupaient autour d'une petite place, décorée en son centre d'une vieille fontaine de pierre. La simple et très ancienne église se dressait là, offrant le refuge de son porche roman, vestibule du sanctuaire. À l'intérieur, quelques femmes priaient devant l'autel où officiait un jeune prêtre. À travers les vitraux grisâtres, un peu de ce clair-soleil matinal passait, répandant quelques traînées lumineuses, dont l'une enveloppait le visage maladif du jeune curé, tourné vers le missel que venait de déposer à gauche de l'autel un petit paysan aux joues rouges, tout gauche, dans sa soutanelle fanée et son surplis chiffonné, trop court. Raymond eut ce jour-là, pendant la messe, des distractions qui ne lui étaient pas habituelles. Il se prit à considérer Paul, agenouillé près de lui, dans une attitude recueillie, et pour la première fois, il se demanda « Qu'est-ce que la religion pour elle ? En fait-elle la règle de toute sa vie ?» Son esprit travaillait sur cette pensée. Il revoyait Paul enfant, fillette, adolescente, exacte dans l'accomplissement des préceptes, pieuse même, si l'on entend par ce mot la dévotion extérieure. Mais cette vie de l'âme, active, généreuse, telle que l'a possédée sa mère à lui, cette forte sève qui se puise à la source même de toute perfection, de tout amour, Paul en était-elle pourvu pour affronter l'existence ? Non, disait une voix en lui, elle est sincère dans sa piété, mais celle-ci n'a pas de racine. Elle est charitable parce qu'elle est bonne, par tradition aussi, mais donnerait-elle beaucoup d'elle-même, de son cœur, au prochain, comme le fait ma mère ? Pourquoi s'avisait-il de réfléchir à tout cela aujourd'hui ? Il la connaissait depuis toujours, sa chère Paul. Il savait qu'il existait en elle quelques lacunes par la faute de sa mère, superficielle et un peu vaine, imbue d'un certain nombre d'idées fausses. Mais il ne s'en inquiétait pas, sachant qu'il serait facile d'y remédier quand elle serait sa femme, puisqu'elle l'aimait, et jusqu'alors s'était joyeusement pliée à tout ce qu'il désirait. La messe terminée, ils sortirent par une petite porte donnant sur le cimetière. Paul voulait prier sur la tombe de son père. Ils longèrent une étroite allée bordée d'œillets défleuris. De modestes tombes s'alignaient, ornées d'une croix de fer à laquelle s'enroulaient des liserons ou du lierre. Au fond s'élevait la sépulture des Évennes, petite chapelle très simple. À côté, debout devant une tombe, se tenait Ariane. Elle se détourna au bruit des pas, montrant un visage songeur. Hé, que fais-tu là, ma chère ? Dit Paul. Ariane étendit la main vers la grande pierre tombale dégradée, envahie par la mousse et les ronces. Un vieil orme étendait sur elle ses branches serrées, qui ne permettaient au soleil que de rares trouées vers la tombe abandonnée. La mousse s'était incrustée dans les lettres des inscriptions. Cependant, on pouvait encore déchiffrer l'une d'elles. Marie-Rose marchait, décédée à l'âge de 20 ans. Devrait-on mourir quand on a 20 ans et qu'on s'appelle Rose ? La vie terrestre n'est qu'une voie qui mène à l'éternelle joie. Elle regarda Raymond, secoua la tête et s'écarta un peu de la tombe. Le soleil, maintenant, atteignait son visage pensif, un peu tendu. Elle dit à mi-voix, comme se parlant à elle-même, « C'est que, moi, je n'ai pas d'autre joie que celle de la terre. » Paul s'avança et lui saisit la main. « Oh, chérie, pourquoi viens-tu ici chercher des impressions pénibles ?» Ariane lui sourit. Subitement, sa physionomie se transformait. « J'aime les vieux cimetières de campagne. Ils ont une poésie triste, mais presque consolante. Tu venais sur la tombe de ton père, Paul. Je te laisse, en ce cas, et m'en retourne au logis. Attends-nous, alors, nous rentrerons ensemble. » Ariane fit un geste affirmatif et s'en alla lentement dans une des petites allées ensoleillées où la rejoignirent Paul et Raymond. Toute trace de mélancolie avait disparu de sa physionomie. Tandis qu'elle causait et riait avec son ami, Raymond songeait « Quelle curieuse, intéressante personnalité !» Plus d'une fois, les jours précédents, il s'était entretenu avec elle, traitant de sujets philosophiques, discutant des points de droit ou de morale. Elle avait l'esprit vif en même temps que réfléchi, une intelligence très lucide et un parfait bon sens. Les facultés intellectuelles, chez elle, étaient remarquables. Mais elle restait simple, malgré tout, d'une grâce très féminine, conservant le sourire, la joyeuse vivacité de son âge, sauf dans les instants où, comme tout à l'heure, un subit effroi, une ombre funèbre, semblait éteindre la lumière de sa jeunesse. Raymond la revoyait, debout devant cette tombe, il entendait la voix, si poignante dans sa douceur triste, prononcer la douloureuse parole « C'est que, moi, je n'ai pas d'autre joie que celle-là. » Pauvre enfant courageuse qui s'en allait dans la vie en aveugle et s'en rendait si bien compte. Quelle dissemblance entre le frère et la sœur! Ce Ferdinand, si matérialiste, fourbe certainement, autant que sa sœur était sincère. Raymond ne pouvait entendre sans impatience Madame Berthe et parfois Paul adresser force compliments au président sur son fils, et cela non point seulement par simple politesse. Réellement, Maître Daubré semblait les avoir conquises. Il est vrai que, pendant son séjour, jamais il n'avait heurté les idées de ses hôtesses, qu'il flattait, au contraire, très subtilement. S'il ne se fût agi que de Madame Berthe, Raymond aurait gardé sa sérénité, mais il lui déplaisait singulièrement que Paul se laissât prendre aux fausses apparences de ce personnage, parut trouver quelque plaisir à la cour discrète qu'il lui faisait. Il est vrai qu'elle aimait à être admirée, complimentée, cette petite Paul, en toute innocence d'ailleurs. Raymond n'y avait pas attaché d'importance jusqu'alors, confiant dans le fond sérieux de cette nature, dans l'éducation reçue, dans l'attachement de sa cousine pour lui. Mais il lui semblait que l'instinct d'une âme délicate eût dû l'écarter d'un Daubré moralement si inférieur. Dans le vestibule du château, le domestique remit à Mademoiselle Daubré et à Raymond leur courrier qui venait d'arriver. Paul demanda « As-tu une lettre de ta mère ?»« Oui, voilà. »« J'espère qu'elle vous donne de meilleures nouvelles de monsieur votre père, » dit Ariane. Raymond la connaissait déjà assez pour savoir qu'il y avait dans cette question un intérêt sincère. Quelque égoïste qu'elle se prétendît, Ariane s'intéressait pourtant à autrui de façon aimable et discrète, avec cette spontanéité, cette franchise qui charmait tant en elle. La lettre de Madame Hévène, Madame Hélène, comme on l'appelait dans la famille, pour la distinguer de sa cousine Berthe, était longue comme à l'ordinaire. Entre son fils et elle, l'échange des idées se faisait avec une confiance entière. Raymond n'avait jamais rien eu de caché pour cette mère, si profondément aimée, si digne de l'être, dont la ferme sollicitude et la tendresse sans faiblesse avaient fait de lui un être énergique et droit, incapable d'une compromission de conscience. Il dit, après avoir parcouru les premières pages, « Ma mère m'apprend que les souffrances de mon père se calment depuis 2 jours. » Elle me charge de vous dire, mademoiselle, combien elle est sensible à votre intérêt pour notre chère malade. Je connais peu Madame Hévène, mais elle est une des très rares personnes qui m'inspirent une sympathie spontanée. J'ai toujours eu l'impression, en la voyant, qu'elle était incapable d'une tromperie, d'une de ces petites lâchetés, de ces faiblesses morales qui pullulent et qu'on craint de découvrir partout, même chez ses meilleurs amis. « Oh, méfiante Ariane, » dit Paul en souriant, « et de nous, que penses-tu? Sommes-nous au nombre de ces faibles, de ces trompeurs ?» Ariane eut un rire léger. « Le temps nous l'apprendra, belle amie. Il nous apprend bien des choses, hélas, et nos illusions tombent comme les feuilles. » Elle rit de nouveau. Sous les cils d'un brun clair et soyeux, les yeux eurent un éclat soudain en allant de Raymond à Paul. Un bref sourire, quelque peu ironique, détendit ses lèvres. Sur ce, je vous laisse. Je vais à mon tour lire mon courrier, c'est-à-dire cette lettre d'un bleu trop violent qui est d'une amie très malheureuse, ou se croyant-elle, parce qu'elle voudrait divorcer et ne peut targuer d'aucun tort de la part de son mari, le plus excellent homme du monde. Alors ? Eh bien, voilà, ce parfait bonheur l'agace et elle voudrait tâter un peu du malheur avec un jeune sot de ma connaissance qui lui donnera certainement satisfaction sur ce point-là. Je lui ai dit ma façon de penser, mais si elle tient à se noyer, grand bien lui fasse. Pauvre créature désaxée, dit Raymond avec pitié. Oh, une idée! Je vous l'enverrai, maître Even. Vous tâcherez de la remettre dans le droit chemin. Je ferai du moins tout mon possible. Eh bien, entendu. Justement, l'avocat de ses parents vient de mourir et elle me demande conseil pour en choisir un autre. Je me figure que vous êtes bien capable de la décider à rester avec son brave homme de mari. Sur ces mots, Ariane s'en alla vers l'escalier, de ce pas souple et décidé en même temps qui lui était particulier. « Quelle confiance elle t'accorde, Raymond !» dit Paul en riant. « Je la connais, son amie. C'est Madame Lancieux, une jeune femme assez gentille, mais une tête folle. Son mari a une belle situation dans le commerce. Ainsi, ton père va vraiment mieux. Elle doit être bien contente, la chère tante Hélène. » Raymond lut tout haut quelques passages de la lettre qui concernait son père. Paul l'écoutait avec intérêt, sa main légèrement appuyée sur l'épaule de Raymond. Celui-ci parcourut rapidement des yeux les dernières lignes où sa mère ajoutait « Je trouve, comme toi, étonnant que Berthe et Paul s'engoutent ainsi de se daubrer. Ne penses-tu pas, cher enfant, qu'il serait mieux de te marier bientôt pour prendre le plus tôt possible la direction de cette jeune âme ? Ta position est déjà en bonne voie et tout fait penser que tu seras un des avocats en vue de demain. Établis donc dès maintenant ton foyer, mon Raymond, puisque Paul y est très disposé, d'après ce que tu m'as écrit il y a quelque temps. » Raymond replia la lettre et leva les yeux sur le joli visage souriant. « Sais-tu ce que me dit ma chère maman, Paul, que nous devrions nous marier bientôt ?» La longue main blanche glissa de l'épaule de Raymond. Le sourire quitta les lèvres fines, tandis que Paul répondait « Il me semble préférable d'attendre l'année prochaine, mon ami. Tu l'avais d'ailleurs décidé ainsi. En effet, mais je trouve ce délai bien long. Cependant, si tu aimes mieux attendre… » Sa voix avait une intonation brève, un peu sèche. Quelque chose en lui venait d'être secrètement froissé. Paul dut s'en apercevoir, car elle le dit aussitôt, en souriant de nouveau, « Nous en reparlerons, si tu veux, dès notre retour à Paris. »« Oh, je ne veux pas te presser. Peut-être vaut-il mieux attendre, en effet, que ma situation soit bien assise. »« Voyons, Raymond, tu ne vas pas penser que c'est pour cela. Tu ne vas pas m'en vouloir si je désire prolonger un peu ma vie de jeune fille. » Elle regardait son cousin avec un mélange de reproches et de regrets. Ses yeux avaient cette douceur caressante que Raymond aimait. Il prit sa main et la baisa longuement. « Non, je ne t'en veux pas, cher Paul. Nous ferons ce que tu voudras. Tu en parleras à maman en rentrant à Paris, mon ami. Je crois qu'elle a des projets pour cet hiver. Un séjour à Nice chez ma tante Suzanne, m'a-t-elle dit ?» Elle tiendra probablement à ce que je l'accompagne. Ah, en ce cas, eh bien, à tout à l'heure, Paul, je vais écrire à ma mère. Dis-lui que je l'embrasse et que je suis très heureuse d'apprendre que l'oncle Henri va mieux. Elle lui sourit et s'éclipsa vers le salon, tandis que Raymond gagnait le second étage où se trouvait sa chambre. De ce court entretien avec Paul, il lui restait une impression un peu pénible. Si peu de temps auparavant, elle était prête à devenir sa femme quand il le voudrait. Il devait y avoir là quelques manœuvres de sa mère, désireuse de la conserver tout à elle le plus longtemps possible, et qui jugeait peut-être en outre plus prudent d'attendre que son futur gendre eût acquis quelque notoriété. Il demeura un peu préoccupé tout le long de ce jour. Nul ne parut s'en apercevoir, sauf peut-être Ariane, dont il rencontra plusieurs fois le regard songeur et discrètement intéressé. Cependant, le soir, il réussit à éloigner son souci et redevint l'habituel causeur dont Mademoiselle d'Aubray appréciait l'esprit très fin et la parole agréable sans apprêt. Après le dîner, Ariane s'approcha d'une des portes-fenêtres du salon et jeta un coup d'œil au dehors. « J'ai bien envie d'aller voir le roc d'enfer au clair de lune. Viens-tu, Paul ?»« Impossible, ma chère. Je vais accompagner le violon de Madame Brade. Mais Raymond ne demandera pas mieux, sans doute. » Paul se tournait vers son cousin, qui acquiesça aussitôt. Ariane jeta sur ses épaules une mante de laine blanche et rejoignit Raymond, qui l'attendait dans le quinconce. Ils s'en allèrent à travers le parterre, dont les dessins géométriques s'estompaient dans la clarté lunaire. La fraîche pureté de l'air les enveloppait. Ariane l'aspirait et disait « Qu'il fait bon ! Quelle soirée !» Une sorte d'avidité vibrait dans sa voix. Raymond la sentait comme tendue vers cette beauté nocturne, frissonnante de plaisir sous cette fraîcheur qui semblait avoir concentré en elle le subtil parfum des bois, des bruyères, des fleurs endormies dans le parterre. Il songea machinalement « Quelle étrange éducation ! Cette jeune fille, seule avec un étranger, à pareille heure, Paul ne ferait pas cela !» Elle a conservé quelque chose des traditions sérieuses, des mœurs sévères de notre famille. Vraiment, elle est bien la femme qu'il me faut, celle qui se formera au contact journalier avec ma mère. » Dans l'avenue des Pins, la lune glissait un peu de sa pâle clarté. Ariane et Raymond marchaient dans cette sorte de pénombre, silencieux tous les deux. Ariane semblait rêver. Raymond continuait de penser à Paul. Il revoyait son fin visage au teint fragile, ses cheveux d'un blond si doux, ses yeux tendres. Pourquoi cette vague inquiétude qui avait existé en lui toute la journée? Elle l'aimait toujours, sa Paul, et seul le désir de ne pas mécontenter sa mère l'avait guidé en cette circonstance. Sur la petite terrasse, les bouleaux et les pins étendaient de grandes taches d'ombre, immobiles dans le calme du soir. Les géraniums s'alanguissaient autour de la balustrade en laissant échapper leur parfum légèrement âcre. Du fond de la gorge montait le bruit sourd du torrent. Autour du grand roc sinistre, les bois sombres dormaient sous les rayons lunaires. Spectacle à la fois paisible et sévère que Raymond et Ariane contemplaient dans le silence. Ariane dit enfin, pensivement, « Que cela est reposant !» Oui, tous les contours, toutes les ombres ont une douceur qu'ignore la pleine lumière du jour. Le roc d'enfer lui-même paraît moins lugubre. Et que cet air est délicieux! Je suis contente d'être venue ici et je vous remercie de m'avoir accompagnée. Mais c'est un très grand plaisir pour moi, mademoiselle. Elle tourna la tête vers lui et il vit son visage souriant, un peu malicieux. La courtoisie vous oblige à me le dire, mais je suppose qu'il vous aurait été plus agréable de rester auprès de votre fiancé. » Son teint, ainsi éclairé par cette lueur de rêve, prenait des tons de perles. Le cou, d'une si fine blancheur, s'inclinait en un mouvement plein de grâce. Dans les yeux, qui semblaient devenus plus foncés, un peu mystérieux, la gaieté se mêlait à une flamme d'ardente jeunesse, jaillie de l'âme d'Ariane. Raymond eut une sorte d'éblouissement. Pendant un instant, il perdit pied devant la séduction peut-être inconsciente. Mais son être, accoutumé aux fortes disciplines morales, se ressaisit aussitôt. Il y avait à peine un léger frémissement dans sa voix, tandis qu'il ripostait « Je n'ai pas du tout l'intention d'accaparer Paul, qui a des devoirs envers ses hôtes, d'autant moins que nous ne sommes pas officiellement fiancés. Je me demande pourquoi. C'est là, sans doute, une idée de sa mère. Oui, ma tante ne veut les annoncer, nos fiançailles, que quelques semaines avant le mariage. Je n'y vois aucun inconvénient, d'ailleurs. » Évidemment, c'est même chose assez prudente, car enfin, l'un ou l'autre peut changer d'avis. « Changer d'avis? Pourquoi en changerions-nous ? La voix de Raymond avait un accent d'étonnement un peu brusque. « Sait-on jamais ? Il y a tant de surprises dans la vie !» De nouveau, Ariane détournait la tête. Elle regardait le grand roc noir et son profil immobile avait la netteté d'une figure de marbre. « Nous avons échangé nos promesses et nous ne sommes pas de ceux qui les retirent sans motif. » Ariane eut un rire bas, doucement ironique. « Les promesses ! Ah, que cela est peu de chose ! Et le motif, il est si facile de le trouver ! Pas pour une âme loyale ! Est-ce que vous en connaissez beaucoup, des âmes loyales ? La vôtre, peut-être ? Et celle de Paul ?» Ariane garda le silence. Elle se penchait machinalement vers la gorge obscure et semblait aspirer l'humide parfum de l'abîme. Près d'elle, sur la balustrade, on entendit le bruit, léger comme un froissement de soie, d'une feuille qui tombait, précocement détachée. Ariane se redressa et la prit entre ses doigts. Elle la considéra un moment, puis étendit la main et la laissa glisser dans la nuit. Sa voix s'éleva avec un accent de tristesse railleuse. « Et voilà ce que sont les promesses, une feuille morte qui s'envole. Il faut en prendre notre parti et ne pas pleurer sur ces défuntes qui ne le méritent guère. »